Vous écoutez Futur Simple sur CKRL avec Valérie Levé et François Grégoire et nous changeons de cap pour prendre le chemin de la médecine. Selon deux études scientifiques indépendantes publiées récemment, l'ibuprofène contenu dans certains analgésiques disponibles en vente libre, comme par exemple les marques Advil ou Motrin, pourrait mener à une baisse de fertilité chez l'humain. François, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En effet, Valérie, il y aurait un lien entre la consommation soutenue d'ibuprofène et la baisse de fertilité, autant chez l'homme que chez la femme. Il faut dire par contre que cet effet secondaire néfaste se produit lorsque l'ibuprofène est consommé en excès par rapport à la durée maximale prescrite. Alors on va voir les détails tout à l'heure, mais tout d'abord, je pense qu'il est important de dire que l'ibuprofène est un des médicaments les plus populaires sur le marché et comme tu le disais, Valérie, il est disponible en vente libre dans de nombreux pays. On reconnaît qu'il combat efficacement les maux de tête, la fièvre, les douleurs musculaires, articulaires, menstruelles, les maux de dents et que c'est aussi un anti-inflammatoire non stéroïdien de la même famille que le naproxen. Par contre, il y a plusieurs effets toxiques associés à ce médicament lorsqu'il est pris de façon abusive et ceux-ci sont bien connus et documentés. Alors, la dose maximale recommandée pour un adulte est de 1200 mg par jour sur une période d'au plus 7 jours. Je ne savais pas qu'il y avait aussi une période donnée aussi. Effectivement. Ouais. Alors, cette limite à ne pas dépasser est clairement indiquée sur l'emballage du produit. Mais récemment, un autre effet secondaire néfaste de l'ibuprofène a été découvert et documenté par deux études différentes. Il y aurait un lien entre la surconsommation d'ibuprofène et l'infertilité, tant chez les hommes que chez les femmes. Ben alors, commençons par l'étude publiée qui porte sur l'infertilité chez les hommes. Est-ce que tu peux nous dire comment elle a été menée, cette étude? Oui, alors l'étude a été menée auprès de 31 hommes sportifs et âgés entre 18 et 35 ans par une équipe de chercheurs de français de l'INSERM et de chercheurs danois. Les chercheurs ont donné à 17 d'entre eux un placebo et, 14, et aux 14 autres 1200 mg d'ibuprofène par jour pendant 42 jours. Ah, c'est beaucoup quand même. Là, on dépasse les 7 jours. Oui, en fait, c'est 6 fois la période maximale recommandée pour ce médicament à cette dose. Et les chercheurs ont mesuré et comparé les niveaux de certaines hormones chez tous les participants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont observé donc, chez les 14 hommes qui ont reçu l'ibuprofène? Alors, les chercheurs ont observé, après 2 semaines, que cette surconsommation d'ibuprofène a entraîné chez eux des effets perturbateurs endocriniens sévères, conduisant à un état appelé de l'hypogonadisme compensé, c'est-à-dire une condition où les testicules ne produisent plus assez de testostérone, forçant ainsi d'autres glandes dans le cerveau à changer leur comportement pour pallier à ce manque. Donc, en d'autres mots, la surconsommation temporelle d'ibuprofène a provoqué des déséquilibres hormonaux sévères. D'accord. Et est-ce que cet effet s'est avéré réversible quand ils ont arrêté les médicaments? Oui, mais les chercheurs craignent qu'il ne soit permanent si l'abus se poursuivait, c'est-à-dire. Alors d'ailleurs, ils sont surpris que ces effets se manifestent chez des personnes de moins de 35 ans, parce que normalement, ces effets devraient être observés chez des personnes âgées ou encore chez des fumeurs. D'accord. Donc parlons maintenant de la deuxième étude, donc celle qui concerne l'infertilité féminine. Donc comment elle a été menée, celle-ci? Alors, chez l'homme, on vient de voir que la surconsommation d'ibuprofène l'affecte à l'âge adulte, alors que chez la femme, la surconsommation d'ibuprofène à l'âge adulte affecte son fœtus pendant les 3 premiers mois de sa grossesse, c'est-à-dire pendant la formation de ses ovaires, s'il s'agit d'une fille, bien entendu. Alors ainsi, en prenant des surdoses d'ibuprofène, la femme ne compromet pas sa propre infertilité, mais celle de sa fille à naître. Ouais. Alors, on sait que les analgésiques sont à éviter lors de la grossesse car ils peuvent entraîner la mort du fœtus après le 3e mois, mais on ne sait pas ce qui se passe si la mère en consomme avant le 3e mois ou encore pendant la période au cours de laquelle elle ne sait pas encore qu'elle est enceinte. Mais là, comment les chercheurs ont fait leur expérience? Parce qu'ils n'ont pas donné de l'ibuprofène à des femmes enceintes. Il y a eu un risque quand même. Oui, effectivement. Alors, ils ont procédé à des tests sur 185 fœtus humains âgés entre 7 et 12 semaines qui leur ont été remis volontairement après des interruptions de grossesse. Okay. Et ils ont confirmé que l'ibuprofène peut passer du sang à la mère du fœtus et aussi que les ovaires des fœtus exposés à l'ibuprofène pendant 7 jours comptaient 2 fois moins de cellules que ceux qui n'y étaient pas exposés. Et contrairement à l'infertilité masculine, un arrêt d'exposition ne permettait pas à l'ovaire de retrouver un développement normal. C'est quand même assez intriguant et inquiétant, ces études-là, ces résultats-là, pour voir si d'autres études arrivent au même résultat. Mais il faut quand même rappeler que donc, ces deux études documentent les effets d'une utilisation de l'ibuprofène qui ne respecte pas les recommandations, quand même le dire. Donc, rien n'indique que ces réactions surviendraient si le médicament était pris dans une posologie normale. Tout à fait. Donc, pas d'inquiétude comme ça. Et puis aussi, quand même mentionner que c'est peut-être pas la seule cause de la fertilité. Non, effectivement. D'autres raisons. Merci beaucoup, François.